Chapitre 11e. Stella et Maglone. Leurs couffets, Casal et Della Croce avaient disparu. Fana Kappa continuait à habiter la cuisine de Jacopo, attendant toujours ses 5 ducats, et dans cette expectative, buvant, pétunant, gourmandant les servantes, ou jouant un coup de cartes birade avec quelques rouliers qui passaient. Il était de fort méchante humeur. Enfin, Jacopo lui remit un ducat, en acompte. Alors son visage se détendit un peu et il daigna sourire d'un côté de la bouche. « Que se passe-t-il là-haut » demanda-t-il à l'aubergiste. « Ils dorment toujours. On soigne les autres. » « Et pendant ce temps, la dépense marche. Allons, Jacopo, j'espère ne pas trop attendre mon 2e ducat. J'ai dû payer mon monde. » La journée se consuma. L'hôtellerie devint triste et muette, ainsi que l'est dans les contes arabes, la cité des adorateurs du feu. Stella et Maglone ne riaient pas, ne chantaient pas comme d'habitude. C'est qu'elles prenaient part à la peine de leurs nouveaux amis Sulpice et de Babylas, soucieux au chevet de leur maître, toujours plongés dans ce sommeil étrange et mystérieux. Le soir vint. L'ombre chassait la lumière. Quand le ciel fut entièrement coiffé de nuit, les silhouettes se glissèrent dans l'auberge. C'étaient Messer Casal et Della Croce, suivis d'un certain nombre de ces manants aptes à tous les métiers et pourvus de tous les vices qui fourmillent dans les ports, comme si la mer avait le maléfique pouvoir de multiplier cette engeance. Luigi et Simon revenaient en force. Dans la salle où ils entrèrent, ils allèrent se grouper dans un coin, non loin d'une table où Sulpice et Babylas venaient de s'asseoir, mélancoliques, pour dîner. Les écuyers ne connaissaient pas les deux bravis. Cependant, leur aspect ne leur dit rien qui baille. Un sentiment de méfiance les envahit à considérer ses faces patibulaires. Peu après, Rodolphe parut aussi et Sulpice l'envoya dire à ses camarades de descendre pour le repas. Il avait parlé en français. Aussitôt, Simon dressa l'oreille et dit assez fort à Luigi « Tiens, qu'est-ce que ce patois-là » « Je ne sais, » répliqua l'autre, du même ton. « Cela ressemble à de l'hébreu ou du nègre. » Et toute la bande rit à gorge déployée. Sulpice et Babylas s'entendirent. Ils devinrent pâles de colère. Mais se contenant, ils ne bronchèrent point. Il ne fallait pas créer d'incident. Les provocateurs parurent ravis de ce triomphe. Rodolphe et ses compagnons arrivèrent et prirent place auprès des écuyers. Le repas commença, servi par Stella et Maglone. Ces derniers apportaient un plat de polenta, semet national en Italie, comme l'est le pilaf en Turquie, l'olla podrida en Espagne, le couscous en Arabie, le carrick dans l'Inde. « Par ici, la belle !» cria Della Croce. Et en poignant en plein bras la servante qui se débattait comme une mule dans sa corde, il dit à Casal « Good mio caro !» Et Casal plongea son index dans la polenta. Cette fois, l'insulte était trop forte. Sulpice d'un bond se leva et fut auprès de l'homme. En même temps, Babylas s'était dressé face à face avec Luigi qui suçait son doigt. Les laquais d'escorte, debout eux aussi, attendaient, frémissant. La porte de la cuisine s'était entrebâillée. On pouvait voir Jacopo, Fana Kappa à ses côtés et tout derrière eux, Stella pâle d'effroi. Simon Della Croce s'était campé devant Sulpice. « Hein ? » ricana-t-il. « Vous voulez faire le méchant ? Tant pis pour vous. Dites une prière à la Vierge, il est temps. » Il avait tiré son épée qui reluisait à la lumière fumeuse des lampes. Sulpice, blême de rage, répondit avec calme. « Non. » « Je ne veux pas me battre avec vous. Je vous refuse cet honneur. Mais si vous continuez vos injures, je jure Dieu que je vous fends la tête avec cet escabeau. » Il avait saisi un siège et le brandissait à bout de bras. Simon crut que son adversaire capitulait devant lui. « Et moi, dit-il, puisque vous refusez de vous aligner l'épée à la main, je vais être obligé de vous fouetter avec cette lame, mon garçon. » Un flot de sang envahit le visage de Sulpice. « Essayez » fit-il avec un calme terrible. La lame se leva, mais une voix, venue du fond de la salle, cria soudain, éclatante, fulgurante comme la trompette du jugement dernier. « Arrête, canaille !» Et Belcoeur apparut. Ce fut, chez tous les spectateurs de cette scène émouvante, une véritable stupeur. Les écuyers et les laquais hésitaient à reconnaître le gentilhomme qu'ils avaient laissé si profondément endormi. Quant aux ruffians, ils restaient intimidés et confondus. Ils avaient reconnu le capitaine, et leur âme vile se troublait devant sa fierté, comme l'oiseau de nuit devant le soleil. « Drôle !» ordonna Givry à Simon Médusé. « Jette cette épée à terre, ou je t'étrangle de mes propres mains. » Le sire della Croce hésitait, pris de honte, de peur, de colère. « Eh bien, entends-tu ? » dit encore Belcoeur. Simon allait obtempérer peut-être, mais Luigi le prévint, et se plaçant devant le capitaine. « S'il vous obéit, déclara-t-il froidement, c'est moi qui frapperai du plat de l'épée les côtes de l'écuyer et celle du maître. » Il acheva à peine que la main de Rosalin s'abattait sur sa joue. Le ruffian, avec un cri de bête, recula d'un pas, tira son épée et se précipita sur Belcoeur. Mais celui-ci était sur ses gardes, et aussi rapide que l'Italien, il avait, car il était sans armes, arraché son épée à Della Croce. Casal rencontra donc le fer du gentilhomme au moment où il pensait le transpercer. Le duel commença, il fut très court. Certes, Franck Castor et la Guibolle étaient friands de la lame et ferraillaient supérieurement. Mais Belcoeur était leur maître, avec sa souplesse, sa rapidité, la sûreté de ses coups et surtout l'éclat insoutenable de ses yeux. L'Italien le sentit très vite et du regard, il chercha une issue pour fuir. Il n'y en avait pas. Tous les spectateurs s'étaient groupés en cercle autour des combattants. Et avant que Luigi eût pu franchir cette haie vivante, l'épée du capitaine lui aurait traversé la poitrine. Alors il mendia des yeux l'aide de son ami. Celui-ci comprit l'appel muet du sire de Casal. Il eut vraiment l'intention de le secourir. Mais les deux écuyers le prévinrent. « Coquin !» leur dirent-ils. « Si tu fais mine de bouger, tu es mort !» Et Sulpice levait encore l'escabeau menaçant au-dessus de sa tête, tandis que Babylas montrait la lame d'un mignon poignard qu'il tenait au poing. Simon en demeura pantois. D'ailleurs, il n'aurait pu intervenir à temps. D'un coup sec et rapide, Belcoeur venait de faire sauter l'épée de son adversaire, et avec une promptitude inouïe, il lui plaça la pointe de son arme sur la poitrine. « Un mouvement, et je te perce comme une outre !» dit-il d'un ton péremptoire. L'autre demeura immobile, figé, demi-mort. « Bien cela, reprit Givry. Et là-dessus, mon garçon, si tu veux avoir la vie sauve, quoi qu'elle m'appartienne, avoue tes forfaits. Pourquoi provoquais-tu mes écuyers et mon ami ? Pour les amener à se battre. Ah ! Et quel motif te poussait à te mesurer avec des gens que tu ne connais point ? On m'a payé pour cela, avoua l'Italien, après une hésitation. Combien ? Un demi-ducat. Et qui t'a payé ? Celui-ci. Il désignait Fanacapa. Un bond en arrière, Fanacapa disparut. On entendit la porte extérieure de la cuisine se refermer avec violence. « Monsieur le baron ! » s'exclama Sulpice. « Ce coquin prend la poudre d'escampette, et l'aubergiste aussi !»« Ne t'inquiète pas, mon bon, » dit Belcoeur avec un sourire, en voyant sortir ses gens pour courir après les fuyards. Et revenant à Simon, il le questionna encore avec une méthode et un calme de juge de présidial. « Et c'est toi et ton complice qui avez ce matin blessé si lâchement deux de mes compagnons ?»« Oui, » murmura le misérable, baissant la tête, subjugué. « Toujours sur les instigations de cet individu ?»« Toujours. »« Allons !» cria Belcoeur de sa voix vibrante et claire. « Que l'on amène cet homme et le patron de Séan !» La porte de la cuisine se rouvrit. On vit apparaître Rodolphe et ses camarades qui maintenaient Fanacapa et Jacopo à peu près aussi à l'aise que les barbeaux sur la paille. Derrière eux, la varenne, frais comme un homme qui vient de bien se reposer. « Ah !» fit le capitaine avec satisfaction. « Voici la bande au grand complet. »« Je ne dis pas cela pour toi, mon cher Guillaume. » Les deux affidés faisaient piteuse mine. L'aubergiste, surtout, presque incapable de se tenir sur ses jambes flageolantes. Belcoeur regarda la varenne. « Que faut-il faire de ces quatre bandits ? » demanda-t-il. « Les bâtonner, c'est tout ce qu'ils méritent. »« Bonne idée !» s'exclama Roselin. Et s'adressant au six valets. « Mes amis, je vous abandonne cette truandaille. » Vengez sur ses épaules les blessures de ce pauvre la Guibolle et de ce bon Franck Castor. J'ai dit. » Les six poussèrent des cris de joie qui se mêlèrent aux supplications des quatre autres. Rodolphe et ses compagnons s'en saisirent et les entraînèrent dans la cour avec force bourrade en guise d'acompte. « Et maintenant, que décidez-vous, monsieur le baron ? » demandèrent les écuyers. « Nous allons voir comment vont l'Alsacien et le Marseillais. Tout à l'heure, nous les avons trouvés mieux. » Grâce à l'efficacité du baume merveilleux de Sulpice. Je pense que nous pourrons reprendre demain notre route. En attendant, voyez-vous-même, mes amis, si nos laquais ne forcent pas trop la dose. car dans leurs ailes, ils seraient capables de laisser nos marauds morts de coups. » Roselin et Guillaume s'enfuirent à l'étage, tandis que les écuyers se dirigeaient vers la cour. Ils passèrent par la cuisine et trouvèrent Stella et Maglone, qui derrière les carreaux suivaient la scène frappante qui se déroulait à quelques pas. « Ah !» disait Maglone, avec un accent de pitié. « Maître Jacopo est à demi évanoui, et les autres ne valent guère mieux. Faites cesser, messieurs !»« Vous le voulez, vraiment ?» demanda Sulpice, galant. « Soit !» Et sortant dans la cour, l'écuyer ordonna au valet de mettre terme à la bastonnade. Le lendemain, à l'aube, Belcoeur donna le signal du départ. Les chevaux, frais et dispos, piaffaient dans la cour. Les bagages étaient bouclés. Tout et tous étaient prêts. Les laquais attendaient, tenant en main les montures. Sulpice et Babylas apparurent un instant, puis s'éclipsèrent vers l'office, et bientôt Belcoeur et la varenne se montrèrent, suivis de la Guibole et de Francastor. Les deux gaillards marchaient d'un pas si ferme et se comportaient si bien que nul n'eût pu les croire blessés. Ils montèrent à cheval et attendirent, impatients, l'ordre de route. Ce ne fut pas long. Les deux écuyers se mirent en selle, les derniers, tournant le regard vers Stella et Maglone, avancés pour souhaiter bon voyage à la petite troupe qui laissait dans leurs âmes autant de sympathie que de regrets. La porte de la cour ouverte, Belcoeur et la varenne prirent la tête et tous les cavaliers suivirent. En franchissant le seuil, Sulpice et Babylas se retournèrent vers l'hôtellerie de Saint-Pierre. Stella et Maglone, après un dernier geste d'adieu, enfouissaient leur visage dans leur petit tablier. Elles pleuraient leur courte idylle.